Jouer avec la recherche d'emploi, je sais pas si c'est le fun. C'est pas comme jouer au cat ou au hockey. On joue, mais on gagne quoi? J'ai bien hâte d'entendre les réponses de Rick Mialou du Centre de recherche d'emploi de Penetang. Salut Rick. Salut Jean-Philippe. Jouer avec la recherche d'emploi, ça veut dire quoi? Ben, au fait, je pense pas qu'on peut vraiment donner une définition en tant que telle, mais avec ce qu'on va parler aujourd'hui, au fait, ceux qui nous écoutent aujourd'hui vont pouvoir comprendre un peu qu'est-ce qu'on veut, c'est quoi l'approche qu'on veut avoir quand on parle de jouer en faisant la recherche d'emploi. Parce qu'il est nécessaire de se dire que ce n'est qu'un jeu, d'une certaine manière. Surtout si on aime jouer des jeux de société, des jeux de cartes ou peu importe. Ben, tu sais, la majorité des jeux qu'on fait, c'est dans le but de découvrir qu'est-ce qu'il y a à l'extérieur, dans le but de trouver ou d'atteindre certains objectifs. Donc, évidemment, à la recherche d'emploi, l'objectif, c'est d'obtenir un emploi. Donc, ben, pourquoi pas avoir l'approche de jeu? Mais moi, quand je joue, là, j'aime ça tricher. On peut-tu tricher? ça, on en a parlé. Il y en a qui trichent en ajoutant des informations qui ne sont pas forcément vraies sur leur CV ou en racontant des histoires qui ne sont pas forcément vraies. Comment on fait nous autres, là, ici? je ne sais pas. Là, mais évidemment, il faut éviter de tricher. Mais oui, il faut avoir quand même une approche de jeu. On a quelques points. Oui, avant de parler de ça, parlons un peu des conseils qu'on veut donner aux gens. Ah oui, on pourrait donner des conseils. Oui, exactement. Ben, avant de rentrer dans le vif du sujet. Exactement. Donc, premier conseil qu'on veut vous donner, c'est qu'il est important de suivre les évolutions de la recherche d'emploi. Il est très important de suivre comment est-ce que le marché de l'emploi se passe. Ça, c'est-tu aller à tous les jours là, sur les sites comme Indeed et d'autres sites comme ça, regarder les journaux? Ouais, pas forcément. Ben, entre autres, ça pourrait être intéressant tout simplement d'être informé. Il y en a qui préfèrent regarder, justement lire les journaux ou bien préfèrent aller sur Internet. Mais il y a toujours une manière de rester informé ou bien en nous écoutant aussi, rester connecté, fidèle à chaque jeudi. Ça, c'est une bonne manière aussi de rester connecté un peu avec le marché de l'emploi. Enregistrer les chroniques de Rick, écouter ça comme si on allait à l'église le dimanche matin. Hein? C'est possible, exactement. Aller sur la page Facebook, aller trouver toutes ces informations-là. Trouver une manière Rick, notre d'être connecté. Preacher là, de l'emploi. Ah ouais, c'est bien ça comme titre. On va mettre ça sur ta carte. Ça serait très bien, ouais, j'imagine. Mais c'est ça, métier, c'est vraiment suivre les évolutions de la recherche d'emploi. La majorité des personnes, ils vont se dire, ah ben moi, j'ai un poste, j'ai déjà un emploi, je suis content, j'aime ce que je fais, mais il n'y a personne qui est vraiment à l'abri là, d'un changement. Des compressions budgétaires. Exactement. Ben, ils sont juste à regarder Bombardier la semaine passée. Là, près de 3000 emplois au Canada qui vont être supprimés. Ça fait beaucoup de personnes qui ont besoin de travail. Sans parler de l'université aussi à Toronto, les changements que ça apporte et tout ce qui va avec. Donc, évidemment, c'est important d'être connecté. C'est important de quand même rester informé. Pas tous les jours, pas activement, mais de manière passive, de temps en temps lire les informations. On n'a pas besoin d'un petit livre de chevet là, avant de se coucher, là, passer au travers de ça. Non, c'est sûr, on n'a pas besoin de faire ça. L'important, c'est qu'on ne veut pas ressembler à un candidat de la préhistoire quand un jour, on est obligé de se retrouver sur le marché du travail. On ne veut pas être un dinosaure. Non, du tout, c'est sûr. Et la deuxième chose, évidemment, c'est de prendre conscience qu'il y a des souffrances qui sont reliées à la recherche d'emploi. Beaucoup de personnes pensent qu'ils peuvent juste aller sur le marché de l'emploi et puis trouver une job facile en levant les mains ou en claquant des doigts. Non, pas forcément. Il y a quand même des défis et des fois, ben, ce que vous recherchez n'est pas là, dehors. Les opportunités ne sont pas là. Alors, ça devient difficile un peu. C'est un peu ça qu'on parle de souffrance, d'une certaine manière. Parce que moi, j'ai un ami qui me racontait, moi, là, les jobs, il n'y en a pas de problème. J'y vais, puis on prend qu'est-ce qu'il y a, puis il n'y a pas de trouble avec ça. Là. Exact. Lui, il n'est pas trop stressé de la vie. OK, il y en a qui sont comme ça, effectivement, alors que ça, c'est un certain type de candidat. Alors qu'il y a des candidats qui savent à quoi s'attendre, ils savent ce qu'ils veulent, donc ils ne vont pas aller cliquer sur n'importe quelle offre d'emploi, ils ne vont pas aller postuler pour n'importe quel job, ils veulent exactement des choses en particulier. Donc, ben, c'est à cause de ça qu'il faut rester connecté. Donc, quand vous êtes sur le marché du travail, vous pouvez avoir le chapeau de différents candidats. Il y a des candidats qui restent restent informés et savent comment naviguer sur le marché de l'emploi, alors qu'il y a des candidats qui n'ont aucune idée parce qu'ils ne veulent pas rester informés, donc ni suivre les règles de l'emploi, automatiquement ils sont déconnectés. Donc ces candidats, des fois, font face aux souffrances qu'il y a sur le marché du travail. Ah, je ne sais pas, j'ai comme une impression que je me reconnais là-dedans. C'est comme si je tirais un peu partout, là. Ben, je pense que beaucoup d'employés, au fait, se retrouvent dans ça parce que, évidemment, on a cette habitude automatique que je viens d'avoir mon emploi, donc c'est comme ma zone de sécurité, tout va bien maintenant. Ta zone de confort. Exactement, tout va bien, j'ai mon emploi et puis je peux m'asseoir et puis ne rien faire. Non, c'est toujours important de rester connecté à qu'est-ce qui se passe sur le marché du travail. Alors, si vous êtes un joueur sur le marché du travail, si vous êtes un joueur avec la recherche de l'emploi. On espère que vous avez 4 as dans votre jeu. Au moins, on espère, exactement. Donc, on va vous donner quelques trucs. On a au moins 5 trucs qu'on va vous donner aujourd'hui. Donc, les souffrances les plus souvent évoquées par les chercheurs d'emploi et quoi faire pour les contourner. OK, t'es prêt pour mon premier? Vas-y, Rick, je suis tout oui, les auditeurs aussi. Excellent. Le premier, c'est le silence des recruteurs. Évidemment, quand on va passer des entrevues, il va souvent arriver que pendant une certaine période, on ne va pas se faire rappeler. Je l'ai vécu, beaucoup de personnes qui nous écoutent aujourd'hui l'ont vécu. Il peut arriver que vous ne recevez pas un appel automatiquement. Mais ça, ça peut amener des périodes de questions pour les gens. Ils vont être assis chez eux dans le divan, puis ils vont dire, ça fait une semaine, ça fait deux semaines. Qu'est-ce qui se passe? Exactement. J'ai besoin d'un emploi. Exactement. À un moment donné, le chômage, il n'y en aura plus. Là. Exactement. Et les gens commencent à réfléchir, commencent à douter d'eux-mêmes. Quelles sont les erreurs que j'ai faites durant mon entrevue? Qu'est-ce que je n'aurais pas dû dire? Qu'est-ce qui manque à mon CV? Tout ça. Donc, les gens On se remet en question totalement. Et on a moins de motivation, des fois, à aller chercher d'autres emplois parce qu'on se dit, celui que je pensais qui s'était bien passé, j'ai pas de réponse, qu'est-ce qui se passe? Ce qu'on vous dit aujourd'hui, c'est accepter cela comme un jeu. Ça fait partie d'un jeu, donc acceptez cela comme un jeu. Ne pensez pas que c'est parce que vous êtes mauvais, que vous n'êtes pas rappelé ou quoi que ce soit, que cela ne puisse pas avoir un impact sur votre estime de soi. Donc, si vous faites votre recherche d'emploi, vous postulez pour quelque chose, mais vous n'êtes pas rappelé, ce n'est pas grave du tout. Donc, oubliez cela, tournez la page ou bien trouvez des stratégie pour pouvoir contacter justement les recruteurs. Parce que des fois, ce qui arrive, c'est qu'on a cette opportunité-là de échanger de numéros de téléphone. Donc, un petit truc comme ça, demandez la carte du recruteur. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone que je peux vous appeler? C'est comme la fille au bar, là, à la fin de la soirée. Si tu veux la revoir, il faut que tu lui demandes son numéro de téléphone. L'employeur, par exemple, tu n'as pas envie de coucher avec. Non, c'est sûr. Mais l'important, c'est vraiment de s'assurer que j'ai un numéro de téléphone à la fin que je peux, au cas où je n'ai pas de rappel, que moi, je prenne le téléphone et que j'appelle. Donc, ça veut dire n'ayez pas peur de prendre le téléphone. Rappelle-moi, clin d'œil. C'est drôle, toi. Mais c'est ça. Parce que, imaginez-vous, votre objectif, c'est d'avoir votre emploi, right? L'objectif, c'est vraiment d'être capable de rentrer dans cette compagnie pour laquelle vous avez postulé. Donc, évidemment, s'ils ne vous rappellent pas, n'ayez pas peur. Prenez le courage. Ne vous dites pas, moi, je vais les déranger ou quoi que ce soit. Parce que des fois, c'est ça qu'on se dit. Si l'employeur ne me rappelle pas, probablement qu'il est occupé. Ou si moi, j'appelle... j'ai peur, je ne sais pas comment est-ce qu'ils vont me prendre. Est-ce qu'ils vont me prendre pour un tannant? Tu sais, des fois, on se pose des questions. Ah, le maudit fatiguant qui m'appelle encore. Exactement. Tu sais, on peut se mettre à se poser un million de questions. Non. Prenez la chance, prenez votre courage à deux mains et appelez. Prenez le téléphone, appelez. Sinon, restez connecté en faisant du réseautage. Ça, c'est la meilleure des choses, évidemment. Restez connecté, restez informé sur les réseaux sociaux comme LinkedIn et tout ce qui va avec. Donc, pour pouvoir être capable de rester connecté toujours, toujours et toujours. Tu t'en parles souvent de ça, Rick. Oui, c'est très important. C'est un message connexion. Important pour toi. La connexion, c'est très important parce que quand on rate cette connexion-là, effectivement, on se retrouve seul. On peut rater des opportunités aussi. Effectivement, parce que le réseau, c'est une sorte de couverture. Donc, si on tombe, il y a quelqu'un d'autre dans le réseau qui peut nous relever. Donc, c'est très important de garder... comme un filet de sécurité, un peu. Exactement. Tout le monde peut l'utiliser. La deuxième chose que je voulais vous parler, c'est les questions discriminantes. il peut arriver que des fois, vous pouvez recevoir des questions discriminantes durant vos entrevues. Est-ce que les employeurs ont le droit de faire ça? Bah, pour eux, ça peut être légitime de poser cette question. Quand vous êtes une femme, vous êtes un jeune, un membre d'une minorité visible, vous avez un handicap ou quoi que ce soit, la majorité des cas, il est fort probable qu'on vous pose des questions. J'aime le fait que la loi, maintenant, commence à changer un peu leur approche en encourageant toute personne pour aller sur le marché du travail. Mais par exemple, des fois, certains peuvent avoir des préjugés. Donc, regardez, moi, je me rappelle, admettons, j'ai entendu des histoires de personnes de minorité visible qui se sont fait poser la question « As-tu une voiture ou quoi que ce soit ? Est-ce que, comment est-ce que tu es bon avec le temps ?» parce que les anciens employés de ces employeurs étaient toujours en retard. Donc, ou bien une femme qu'on va poser des questions, est-ce que toi, tu vas avoir des enfants? Donc, c'est une histoire justement d'une femme qui disait, ben non, moi, je peux pas avoir d'enfants. Elle a commencé à dire qu'elle peut pas avoir d'enfants. Pourquoi? Parce qu'elle voulait pas être discriminée à cause du fait qu'elle était une femme et qu'il voulait avoir quelqu'un qui pouvait être là à temps plein. Parce que là, ils vont se dire, bon, si elle tombe enceinte, on l'engage, elle va être partie pas d'un an et demi. Exactement. C'est toutes ces choses-là. On va la former, puis à ce moment-là, il va falloir en engager un autre. C'est ça. C'est tout le temps des coûts. Exactement. Donc, selon la logique, ça serait légitime pour eux de poser cette question, mais c'est quand même discriminatoire de poser cette question parce que ce ne sont pas des questions qu'on posera à des hommes ou à d'autres candidats, right? Donc, c'est vraiment parce que la personne qu'on a en face de nous appartient à un certain groupe. Automatiquement, on pose des questions qui pourraient être discriminantes. Donc, si vous faites poser des questions discriminantes, ramenez vite le sujet à votre expérience professionnelle. Donc, ne répondez pas. Vous pouvez répondre à la question, mais après, revenez vers votre expérience professionnelle. Montrez à votre employeur ou à la personne, au recruteur que vous avez en face de vous, que vous êtes professionnel et que vous pouvez respecter vos engagements par rapport au travail et tout. Donc, voilà, ça, c'est des choses qui sont des points très importants, là. Dernier petit point, Rick, oui. Rapidement, je sais qu'on en avait plein, on va pouvoir revenir là-dessus. Il n'y a pas de problème. Dernier point, ça serait être recruté par un junior alors qu'on est un senior. Donc ça veut tout simplement dire on a de l'expérience sur le marché du travail, on a perdu son emploi, on a 20 ans d'expérience en service à la clientèle, par exemple, et on rencontre quelqu'un qui est nouveau, ça fait 2 ans qu'il fait le service à la clientèle, et cette personne-là que ça fait 2 ans qu'il fait le service à la clientèle est la personne qui vous passe en entrevue. Ou tu as 25 ans, tu es rendu, c'est toi qui engage, puis tu rencontres quelqu'un de 55 ans, exactement, que lui, il en a vu des vertes et des pommures. Voilà. Il a vu neiger, puis toi, disons que la neige, il n'en a pas tombé beaucoup chez vous. Exactement. Donc, automatiquement, qu'est-ce qu'on fait? Même si la personne qui est en face de nous a moins d'expérience que nous, rappelons-nous de quand même montrer un peu d'humilité et automatiquement de s'adapter. Donc, peu importe les questions qu'il peut vous poser, même si ça peut paraître niaiseuse ou pas, répondez quand même aux questions avec l'esprit le plus professionnel que possible. Parce que quand on a l'image de dire « Hey, attention, petit gars, là, moi, j'ai plus d'expérience que toi. Assieds-toi, là, prends ce cool. » C'est ça. Quand on a cette attitude-là et que c'est au recruteur qu'on entre de faire paraître cette attitude, automatiquement, ça passe pas vraiment. Là. Vous avez moins de chances de vous faire appeler. Disons que c'est pas très bon. Là. Ça passe pas très bien. Beaucoup plus de chances d'attendre longtemps qu'on t'appelle. Exactement. Montrez un peu d'humilité. Rick Mialou du Centre de recherche d'emploi de Penetang. On aurait pu en parler longtemps encore. J'avoue. On peut vous retrouver à laclé.ca au 549-5227 ou sinon au 2 rue Pointe à Penetang. Exact. Rick, bonne fin de semaine de Merci. Thanksgiving. Merci beaucoup. Salut.